Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez l'actualité de septembre et qui concerne le renvoi de John Bolton par Donald Trump. On vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Vous en avez sûrement entendu parler. Trump a encore viré son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton. Alors quand on a vu cette nouvelle, on s'est directement dit qu'il fallait qu'on en parle puisqu'on a autant parlé de Trump et de Bolton déjà dans cette émission. Et justement de l'influence que Bolton pouvait avoir sur Trump et sur sa politique extérieure, qu'il fallait qu'on l'aborde. Alors avant de passer aux faits récents, on doit revenir sur les bases. Le travail de John Bolton. Alors John Bolton était le National Security Advisor de Donald Trump, c'est-à-dire en français le conseiller à la sécurité nationale auprès du président. C'est un poste qui faisait de Bolton l'un des conseillers les plus proches du président. C'est un rôle dont l'importance varie en fonction des présidences, mais avec un côté assez spécial puisque le conseiller à la sécurité nationale est nommé par le président, sans droit de regard au Sénat, le Sénat qui est autrement plus puissant aux États-Unis qu'en France, et ce conseiller ne dépend d'aucun ministère. Il est donc indépendant, il travaille dans la Maison-Blanche, directement pour le président. Alors Donald Trump a changé plusieurs fois de conseiller à la sécurité nationale, comme l'ont fait ses prédécesseurs, mais à une différence près. Barack Obama a eu 3 conseillers en l'espace de 2 mandats, George W. Bush et Bill Clinton en ont eu 2 sur 2 mandats, George Bush père 1 seul sur 1 mandat, et Donald Trump en a déjà eu 3 en l'espace d'un mandat, ce qui souligne l'instabilité qui semble régner dans les rangs républicains américains. Seuls Eisenhower et Reagan ont eu respectivement 5 et 6 conseillers sur 2 mandats. Alors à ce rythme, Donald Trump, s'il gagne à nouveau sa place à la Maison-Blanche, pourrait égaler ces 2 présidents d'époque de guerre froide. Surtout que les conseillers à la sécurité nationale ne sont pas les seuls à avoir été victimes des désaccords majeurs ayant conduit à leur renvoi avec Donald Trump. Il y a eu le Secretary of State Mike Tillerson qui a été remplacé par Mike Pompeo. Il y a eu le procureur général des États-Unis Jeff Sessions qui a été remplacé par William Barr. Et le chef du FBI, le ministre de la Sécurité intérieure, je ne vais pas tous les citer. Alors si les renvois ou remplacements sont souvent soulignés avec force dans la presse, il est parfois utile de se souvenir que la plupart des anciens présidents ont eux aussi procédé à des changements de personnalité à ces postes clés. C'est surtout le rythme, la médiatisation et le style propre au président Trump qui donnent une impression d'instabilité gouvernementale plus en soi que le changement de personnel. Mais alors concernant les security advisors, un tel turnover est relativement rare. Le premier conseiller à la sécurité de Donald Trump était Michael Thomas Flynn, un ancien militaire, mais qui a dû démissionner moins d'un mois après sa nomination suite à un mensonge qu'il a fait concernant la Russie au vice-président des États-Unis Mike Pence. Il était considéré comme quelqu'un d'assez radical avec une opinion inquiétante pour la plupart des médias, notamment sur les questions de l'islam et du Moyen-Orient. Après quelques jours d'intérim, c'est Herbert Raymond McMaster qui devient le National Security Advisor de Trump pour 14 mois, donc jusqu'en avril 2018. Au contraire de son prédécesseur qui entretenait une relation complexe avec la Russie, McMaster était considéré comme non pro-russe et il a marqué un tournant dans les relations entre les États-Unis et la Russie. Il était plutôt pro-deal avec l'Iran et en fait il sera éloigné par Trump du pouvoir, notamment à cause de ça. C'est John Bolton qui a pris sa suite et il obtient jusqu'à maintenant le record de longévité sur ce poste et sous cette présidence, de mars 2018 à septembre 2019, soit un peu moins de 18 mois. Il est très proche des néoconservateurs et ses prises de position sont assez fameuses. Exactement, il avait notamment des vues assez, disons, fermes sur le Venezuela, sur la Chine et sur la Russie. Nous avons d'ailleurs parlé de ces 3 questions au cours de la dernière année dans cette émission. Et il semblerait que là où ça ait clashé, entre guillemets, ait maintenant été avec les volontés politiques plus récentes de Trump vis-à-vis de certains de ses adversaires, où il semblerait être dans une logique un peu plus de réconciliation, et ce probablement en vue des prochaines élections, mais nous y reviendrons plus tard. Revenons donc sur les plusieurs événements qui ont eu lieu récemment et qui ont donc conduit à ce que Bolton soit licencié. Plusieurs analystes dans des journaux et des think tanks mettent en avant quelques moments clés qui ont montré leur désaccord. Alors, tout d'abord, il y a la question de la Corée du Nord, de laquelle il n'a jamais été fan, notamment de l'approche prise par Trump. Il y a la question du Venezuela, où les États-Unis ont soutenu Guaido et où ça n'a pas fonctionné, ce qui n'a pas plu à Trump. Et plus récemment, il y a deux événements principaux qui semblent avoir déclenché la situation actuelle. Le premier, j'imagine que ça vous en avez entendu parler aussi, Trump voulait signer un accord avec les leaders des talibans. Bon, jusque-là, ça pourrait aller, dépendant de ce qu'il y aurait exactement dans l'accord. Sauf que, pour ce faire, il a décidé de les inviter à Camp David, qui est le lieu officiel de repos du président des États-Unis, la même semaine que le 11 septembre. Donc, disons que quand les Américains ont appris ça, et bah, ils n'étaient pas super super contents. Et évidemment, pour Bolton, c'était inimaginable. À retenir que le rendez-vous n'a finalement pas eu lieu, et cela serait dû à l'attaque talibane à Kaboul en début septembre, donc une semaine avant le jour où le rendez-vous devait avoir lieu. C'est du moins la raison officielle donnée par Trump. Oui, alors il faut bien garder en tête que le 11 septembre, pour les Américains, c'est extrêmement symbolique. Enfin, c'est plus que symbolique, c'est un vrai traumatisme. Et rencontrer des talibans à ce moment-là sur le sol des États-Unis, c'est pas juste provoquant, c'est extrêmement traumatisant pour les Américains. Je te laisse reprendre, Caroline, désolée de l'interruption. Non, mais c'est vrai que c'est important à mettre en avant parce que c'est vrai que c'est une question qu'ici, de notre côté, en Europe, en France, on le voit plus autant. Mais pour en revenir aux principaux événements qui ont donc déclenché le départ de Bolton, le deuxième a été la possible rencontre avec Rouhani, que nous avons évoqué plus tôt quand on parlait du G7. Il n'y a toujours pas ni lieu ni date pour le rendez-vous, comme j'en avais parlé, mais Bolton était encore plus opposé au deal que Trump. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Trump l'a pris en tant que conseiller de sécurité. La plupart de son administration essayait de bloquer sa sortie de l'accord et il avait besoin de quelqu'un qui le soutienne, même qui le pousse à le faire. Alors quand on a commencé à parler non seulement des rendez-vous, mais possiblement aussi d'arrêter quelques sanctions, les alléger, bah, apparemment ça s'est pas très bien passé entre Bolton et Trump à ce moment. Comme on l'a aussi évoqué plus tôt, cette possible rencontre semble aussi être un pari pour la réélection. Trump veut être vu comme un peu plus conciliatoire qu'avant, on veut des élections qui arrivent à grands pas déjà, raison pour laquelle il semble aussi vouloir davantage se rapprocher de la Corée du Nord. Alors dans tout ça, Trump n'a pas hésité à fortement critiquer Bolton une fois qu'il est parti. Bon, il faut savoir que déjà avant, il ne se gênait pas, il avait même dit à un officiel européen, je cite, il veut que je commence une guerre, mais je ne me laisse pas faire, en le pointant du doigt, ce qui, bon, peut être à la fois humiliant et à la fois montre le fonctionnement des choses dans l'administration Trump, dans le sens du tout peu de diplomatie, même si on le savait déjà. Bref, depuis, après l'avoir viré, il a dit que Bolton a fait de grandes erreurs dans sa vie professionnelle, en évoquant notamment le Venezuela pendant son mandat à lui, mais il a aussi parler de l'intervention en Irak en 2003 pour laquelle Bolton avait poussé quand il était dans l'administration Bush, en fait. Et justement, ça nous emmène au problème principal, qui est le fait que Bolton est un pur interventionniste, ayant déjà également été pour des frappes préventives en Corée du Nord et en Iran, par exemple, tandis que Trump est plutôt un isolationniste, d'où ses positions vis-à-vis de l'OTAN ou de l'Afghanistan, voulant être bien moins engagé dans le premier et ayant voulu retirer ses troupes dans le deuxième sans trop de réflexion. Mais il avait besoin de Bolton pour pouvoir se retirer du JCPOA, comme on l'a dit. Et puis clairement, Bolton a eu de l'influence vis-à-vis à d'autres politiques, comme le retrait du traité FNI, qui a surtout été poussé par lui, en partie un peu ses positions vis-à-vis de la Chine, la question du Venezuela. Une autre chose intéressante à noter est que Bolton, lui, dit avoir démissionné, donc il dispute la version officielle du président. Ça pourrait aussi être possible, puisque justement, tous les faits qu'on a évoqués faisaient qu'il ne s'entendait pas sur un bon nombre de questions, enfin ça allait un peu dans les deux sens en fait. Oui, clairement il y avait des désaccords. La communication dans l'administration Trump est depuis le début compliquée et dissonante. Mais encore une fois, je tiens à préciser que ce n'est pas une première aux États-Unis, et que Trump s'inscrit finalement dans une tradition américaine bien ancrée, rythmée sur les élections, avec un retour à l'isolationnisme politique relatif, évidemment, et une compétition commerciale très dure avec le reste du monde, malgré le fait qu'il ait une personnalité qui dénote un peu de celle de ses prédécesseurs. Ce qui sera intéressant à suivre dans les prochains jours, c'est la nomination du nouveau Security Advisor de Donald Trump. Alors, à l'époque où vous nous écouterez, le choix aura peut-être déjà été fait et annoncé, mais en tout cas pas à l'heure où nous enregistrons. Alors, ce choix, il est particulièrement crucial dans une période préélectorale comme celle-ci, et elle pourra soit conforter Donald Trump dans ses positions actuelles, soit montrer un fléchissement dans sa politique extérieure. C'est une affaire à suivre qui est particulièrement importante en moment de crise grave entre les États-Unis et l'Iran. Alors, suite à de nombreux problèmes, mais notamment très récemment suite aux attaques de drones sur des installations pétrolières saoudiennes qui ont été revendiquées par les Houthis, et les Houthis qui sont soutenus politiquement par les Iraniens. La personnalité de ce conseiller et sa position vis-à-vis de l'Iran pourraient être déterminantes sur la suite des événements, soit une montée des tensions, soit peut-être une désescalade. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.